Le chariot d'or par André Rezé. Quand le vieux Joyce Sullivan sortait de sa ferme à l'aurore pour observer le temps, son regard pouvait embrasser tout l'horizon sans quitter un seul instant son domaine. C'était là aussi, sur sa porte, qu'il aimait fumer sa pipe dans la journée, trop âgé maintenant pour travailler, s'en remettant à ses trois fils et à ses deux filles du soin de mener l'exploitation. Avec quelle fierté il admirait ces champs dorés de blé et d'orge, les prairies vertes que paissaient des troupeaux de bœufs, et tout au loin, là-bas, avant la silhouette embuée des montagnes, ce vallonnement gracieux où mûrissait le plus beau maïs du monde. C'était sa terre à lui. Il était venu en prendre possession 40 ans plus tôt sur son lourd chariot, si petit dans l'immensité de la plaine déserte. Depuis, il y avait dépensé toute son énergie et toute sa force. À mesure que de la terre fécondée les moissons jaillissaient, que les jeunes arbres prenaient de la vigueur et de la taille, son dos à lui se courbait, sa figure cuite par le soleil se creusait de rides dans son collier de barbe grise, et ses vieilles jambes nerveuses fléchissaient. Toute la force de ses muscles avait passé dans la terre productrice. Usée à la tâche, sa femme, compagne fidèle des bonnes et mauvaises fortunes, sentait bien comme lui qu'ils n'habiteraient plus longtemps leur cher domaine. Leur joie eût été douce pourtant de s'en aller après une vie aussi belle, s'ils avaient su laisser à leurs grands-enfants le même amour de la terre. Certes, David et Jasper s'entendaient bien la culture et l'élevage, et dans tout le Dakota du Nord, il n'y avait peut-être pas de dresseur de chevaux comme Ham. Minnie était une ménagère modèle et plus d'un gentleman eût été fier de posséder une épouse aussi accomplie que Christina. Seulement, ils n'avaient pas connu les heures de lutte du début. Lorsqu'ils furent en âge de comprendre, l'exploitation était en pleine prospérité. Ils n'appréciaient pas à sa valeur l'œuvre des vieux. Pourtant, ils se fussent contentés de leur sort. Ils eussent accompli naturellement leurs tâches quotidiennes, sans penser qu'on pût mener un autre genre de vie si David n'avait pas fait ce malheureux voyage. David, entreprenant et aventureux, avait lu des livres. À 22 ans, l'envie le prit de quitter pour quelques mois la maison paternelle, de voir des villes, la mer, la montagne, et des hommes vivant d'un autre travail que celui des champs. Le père crut que cela l'instruirait, et tremperait son caractère. Il n'était pas fâché non plus de pouvoir offrir à son fils un plaisir que sa vie laborieuse et pénible lui avait refusé. Et David partit un jour. Il vit les montagnes couvertes de neige, le grand lac salé, la Californie si riante, si fleurie, et San Francisco grouillant de vie, d'où l'on s'embarque pour la Chine mystérieuse, le Japon tellement étrange qu'il en semble irréel, et tant d'îles océaniennes où l'existence est facile et douce. Quand il revint un an plus tard, le père comprit bien que la vie des champs lui pesait. Souvent, à l'écart, il entretenait ses frères et sœurs des merveilles qu'il avait vues. Il existait au sud et aussi à l'ouest, dans les montagnes rocheuses, des hommes dont le métier consistait à chercher de l'or tout fait dans la terre. Et cela valait mieux, certes, que d'en tirer au prix des mêmes peines un peu de grain sans valeur. Ces gens-là, en quelques mois, réalisaient des fortunes. Après, ils pouvaient se croiser les bras, aller où bon leur semblait, voguer vers les pays chimériques qu'ils ne connaîtraient jamais, eux, les misérables enfants de la plaine, ployés par l'effort quotidien sur cette terre ingrate qui ne produisait rien de précieux. Ses frères et ses sœurs l'écoutaient avidement, et le père croyait voir qu'après ces conversations, il manquait d'entrain à l'ouvrage. Un jour, des hommes s'arrêtèrent à la ferme en passant. Ils gagnaient les Rockies par petites étapes, emportant avec eux tout l'équipement des mineurs. C'étaient des chercheurs d'or. On venait de découvrir de nouveaux filons dans la montagne. Ils allaient tenter la chance. À partir de ce moment, le vieillard comprit que son fils le quitterait. Mais il était loin de prévoir l'étendue de son malheur. « Père, » dit un soir l'aîné d'une voix grave, « vous ne vous êtes pas trompé. Nous sommes décidés à partir. »« Nous ?» répéta le vieux. « Tu ne veux donc pas t'en aller seul ?»« Que pourrais-je faire seul ? Avec l'aide de mes frères, au contraire, je puis espérer réussir et nos sœurs au campement s'occuperont des soins du ménage. » La mère se prit à pleurer sans un mot. Sur le visage tanné du vieux, les rides s'accusèrent. « Toi aussi, ma petite Minnie, » dit-il d'une voix changée, « tu veux quitter la ferme ?» La jeune fille détourna son joli visage sans répondre. « Je ne vous retiens pas, » dit le père. « Vous méprisez le sol qui vous a nourri. Vous abandonnez vos parents qui se sont usés avant l'âge pour vous faire la vie plus belle. Allez, allez dans la montagne. Les bras du vieux Sullivan ne sont pas encore tout à fait rouillés. » La gorge du pauvre vieux se serrait. Il ajouta plus bas. « Mais si, un jour, vous regrettez le toit paternel, alors revenez. Il y aura toujours ici 5 places pour mes 5 enfants. » Et quand ils partirent, 2 jours plus tard, il resta longtemps devant sa porte, la main sur les yeux, à regarder leur chariot à bœufs s'en aller lentement vers la montagne. Durant 8 mois, 8 longs mois de souffrance et de privation, de fatigue, d'espoir et de découragement, ça avait été pour les aventuriers une pénible existence de nomades au bord des torrents impétueux où se joue le saumon rapide, dans les grandes forêts de pins sombres et de cèdres centenaires où les bouleaux jettent la note vive de leur écorce argentée, les grandes forêts qui semblent sans issue et que la nuit écrase d'un silence si lourd. Des jours et des jours, ils avaient erré dans la montagne, par les canyons, dont les parois à pic répercutaient sinistrement les grincements du chariot pesant, soucieux et muet, devant le formidable spectacle de ces rocs superposés à des hauteurs vertigineuses, comme entassés là par des géants. 50 fois, peut-être, ils avaient établi leur campement au bord d'une crique, dans un vallon, à la lisière d'un bois, ou sur un plateau balayé par la bise aigre, croyant toujours avoir trouvé la bonne place, le filon qui les ferait riches. L'endroit ne valait pas la peine d'être exploité ou bien ils arrivaient trop tard, et sous leurs yeux, des mineurs extrayaient du sol une véritable fortune. Ils n'avaient pas de chance, voilà. Au début, parbleu, ils manquaient d'expérience. Mais pour avoir vécu 3 mois dans la montagne avec 2 vieux mineurs canadiens, ils s'y entendaient maintenant comme n'importe quel routier des champs d'or. Mais cette chance, ah, cette chance capricieuse, perfide, qui s'obstinait à les fuir. Minnie et Christina avaient perdu toute gaieté, et la nostalgie du pays natal commençait à torturer Ham, le plus jeune. David et Jasper, sombres et têtus, dirigeaient l'expédition, prenaient les décisions sans même consulter les autres, trop orgueilleux pour avouer jamais qu'eux aussi regrettaient parfois la grande ferme paisible où ils étaient nés. 8 mois. 8 grands mois. Est-ce qu'ils iraient loin encore? Ayant quitté depuis longtemps les rives du Missouri, ils avaient laissé les monts Bitterroot à l'ouest pour remonter vers la frontière canadienne, et ce fut là, dans une vallée des Rockies, qu'un soir, la chance, fatiguée de fuir devant eux, se laissa rejoindre. Il y avait 6 jours qu'ils campaient dans ce site sauvage quand le pic de Jasper mit à découvert le panier d'oranges tant rêvé. Et tous les 5, devant l'excavation où scintillait le métal jaune, s'étreignirent les larmes aux yeux. Gênant, grinçant, heurtant parfois de ses moyeux les parois resserrées du défilé, le chariot montait péniblement au panon des bœufs tirant à plein joug. David et Jasper les excitaient de la voix et de l'aiguillon. Devant, Ham marchait, l'œil aux aguets, la carabine en bandoulière, et souvent il se retournait pour regarder avec amour le lourd convoi prêt d'achever la périlleuse traversée des grands monts. De l'or, du bel or, ils en possédaient plein le fond de leur voiture. En 4 mois, ils en avaient récolté de quoi réaliser 100 fois les beaux rêves de David après son voyage. Ils regagnaient riche la maison paternelle. De l'or, de l'or. 50 journées de route par tous les temps de l'aube au crépuscule les avaient rapprochés du pays natal. Engagés bravement dans ces terribles Rockies d'aspect inaccessible, ils veillaient jalousement sur leur trésor et les 2 jeunes filles marchaient héroïquement derrière le chariot. Sur l'or, on entassa avec peine la tente de ce campement, les ustensiles de ménage les plus utiles. Dès le départ, faute de place, ils avaient dû jeter leurs outils, ces pics auxquels ils devaient la fortune. Le défilé grimpait terriblement. Très haut, en avant, se dressaient, tout blanc sous leur manteau d'hermine, les derniers contreforts des montagnes rocheuses. Derrière commençait la descente vers la plaine, vers le pays natal. Des porches gigantesques surplombaient le passage, et le vent glacé en s'y engouffrant hurlait d'une voix lamentable. À droite, à gauche, les obélisques naturels et monstrueux dressaient sur le ciel gris leurs têtes millénaires. Le sentier serpentait, contournait des pyramides de cauchemars, des chaos fantastiques, et brusquement frôlait un abîme devant lequel les bœufs apeurés s'arrêtaient. On montait toujours, sous la bise glacée venue des cimes blanches. Dans les passages difficiles, les trois frères unissaient leurs efforts, poussés aux roues, mais depuis le matin, l'étape se prolongeait et ils étaient épuisés. N'importe, il fallait sortir de ce défilé avant la nuit. Quel silence, tout à coup, autour d'eux. Ils regardèrent le ciel uniformément sale, d'un gris teinté d'encre et qui semblait s'être abaissé. Bientôt, la neige se mit à tomber, légère comme un fin duvet, puis à flocons plus lourds, plus rapides et plus serrés. Les bœufs, épuisés, grelottants, craintifs, n'avançaient plus qu'avec peine. Ils hésitaient à poser les pieds, devinant le danger des abîmes traîtres invisibles dans cette neige qui cachait tout, noyait tout, sous son grand linceul blanc. En avant, Ham tâtait le terrain, donnait des indications d'une voix au timbre mat qu'on distinguait à peine dans ce grand silence de mort. Le vent souffla bientôt en tornade, soulevant des tourbillons fous, aveuglant les voyageurs et leur coupant la respiration. On ne voyait plus rien, rien que cette sarabande blanche qui faisait perdre le sens de l'orientation, entraînait tout dans sa ronde vertigineuse, au point d'en donner la nausée. Les bêtes n'avançaient plus, gémissant d'une petite voix plaintive. Le vent soufflait avec une telle impétuosité qu'il fallait s'accrocher au granit pour ne pas tomber. Les deux sœurs, éperdues, joignaient leurs doigts douloureux, se serraient l'une contre l'autre, cinglées par la bise, et sur leurs joues, des larmes coulaient, aussitôt glacées. Allons, il fallait marcher ou mourir. Et les aînés excitèrent de nouveau les bœufs, tandis que Ham encourageait Minnie et Christina. Des pas encore dans la tourmente, machinalement. Le froid engourdissait jusqu'à la pensée. Ils allaient à pas hésitants sous la neige qui les harcelait, ayant perdu la notion du temps. Tout à coup, la voix angoissée de Minnie jeta un cri douloureux. « Christina ! Christina !» La jeune fille s'était arrêtée, droite et blême, les mains crispées à un rayon de la roue. La roue tourna lentement et Christina tomba sur la neige, sans une plainte, évanouie. « Dans le chariot ! Dans le chariot !» Tandis que Minnie et Jasper s'efforçaient de ranimer leur sœur, les deux autres, pour lui faire une place dans le lourd véhicule, jetaient les bagages sur le sol pêle-mêle. Alors ils étendirent Christina, toujours insensible, et enroulée dans la toile de la tente, sur un lit de pépites d'or. Minnie la recouvrit de toisons de bête, et en avant à tout prix, car l'immobilité les condamnerait à la mort. À mesure qu'ils montaient, l'air se faisait plus rare et plus froid, la neige plus lente et plus obsédante. Ils n'atteindraient donc jamais les derniers cols de la montagne. Allons, c'était fini. L'un des bœufs venait de tomber sur les genoux. L'autre, exténué, ne pouvait avancer non plus. La nuit montait des abîmes. Si l'obscurité les enveloppait, ils étaient perdus, sans retour. Il aurait fallu alléger un peu le chariot. La vie de la petite valait bien cela, et leur trésor serait encore respectable. David et Jasper jetèrent de l'or à pleine main sur la neige, beaucoup d'or. En avant, il fallait passer le col, n'eussent les bêtes en crever au sortir de la montagne. Et les bœufs se relevèrent. Sous leur effort et celui des hommes, le chariot se remit en branle, doucement, oh, si doucement, quand la nuit venait si vite. Insensé qui avait voulu traverser les roquilles infranchissables, qui était allé volontairement au-devant de la mort. C'était pour de l'or qu'ils avaient fait cela, de l'or. Ils en jetaient sans cesse maintenant sur la neige, pour alléger le véhicule toujours trop pesant, où Christina, peut-être agonisante, et Minnie, raidie de froid, reposaient côte à côte. De l'or à pleine poignée. Ils n'avaient pas plus de valeur que les cailloux auxquels ils adhéraient, de l'or. C'était toute leur fortune qu'ils éparpillaient sur le linceul de la neige pour payer à la montagne mortelle la rançon de leur sœur. Les bêtes marchèrent un peu plus vite, harcelées par leur conducteur, sentant moins lourd le poids qu'elles traînaient. Allons, encore un peu de courage. La tourmente s'apaisait. La neige se faisait plus rare. En avant, derrière les derniers sommets lassés, se devinait l'immensité, la descente vers la plaine. Effort suprême. Ils dépensaient là les dernières ressources de leur énergie. En avant, en avant. Le chariot était vide, oui, vide. Ils avaient jeté petit à petit tout leur trésor et tous leurs rêves. Mais la passe était franchie. Mais la descente commençait devant eux, là. Mais demain, le soleil luirait encore pour eux tous. et dans le grand silence du crépuscule, Ham, montrant le nord-ouest, dit « Qu'importe l'or et les plaisirs, les chimères dont nous nous étions bercés. Ne sommes-nous pas attendus dans cette bonne vieille maison où le père et la mère ont pleuré notre absence? Ne regrettons rien et relisons dans la Bible l'histoire de l'enfant prodigue. Nous aurons du moins appris à mieux apprécier les douceurs du foyer. » Ainsi s'achève Le Chariot d'or par André Rosay.